Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo concernant la prochaine pleine lune du mois d'août 2024. Elle va se produire le lundi 19, donc à 18h27 heure GMT ou à 20h27 en France et dans les environs, à 27 degrés du signe du Verseau. Donc lorsqu'une pleine lune en Verseau se crée, le soleil, eh bien il est en Lion et la lune elle se situe juste en face de lui au même degré du zodiaque, donc en face, en Verseau, et cela représente en astrologie une opposition soleil-lune. Donc au moment de la pleine lune, en général, on est souvent confronté au bilan de nos dernières actions, donc soit on récolte les fruits de ce que l'on a semé auparavant avec une profonde satisfaction, soit, eh bien, au contraire, on réalise que ça stagne, ça n'avance pas, ou ça ne va pas du tout même, et c'est le moment de réévaluer nos approches afin de maximiser nos chances de réussite. Voilà, la pleine lune en Verseau, plus précisément, elle a la capacité de faire ressortir notre esprit audacieux, elle nous offre plus de liberté face aux normes sociales, aux jugements, aux conventions, aux traditions, aux obligations qui nous pèsent, et elle a le potentiel aussi de booster nos talents pour qu'on puisse avancer. Donc le décor est posé, mais quand on regarde ici, j'ai la carte du ciel de cette pleine lune du 19 août 2024, quand on regarde les détails, on voit qu'elle est étroitement liée au carré entre Mercure rétrograde en Lion et Uranus qui est en Taureau, et en même temps il y a une tension à ce moment-là entre Jupiter qui est l'astre d'expansion et d'optimisme, et Saturne qui est la planète de la rigidité, de la sévérité et qui est rabat-joie. Eh bien, tout cela, ça peut vraiment entraîner malheureusement des complications dans ce beau processus d'évolution et empêcher notre détente, notre bien-être. Donc, il va falloir se méfier des dysfonctionnements, de la raideur d'esprit, d'une certaine nervosité aussi et d'un manque de self-control. Redoublez donc de vigilance, car si vous êtes même de nature calme, eh bien vous pourriez de toute façon être confronté à des imprévus, à des incidents. Et à ce moment-là, eh bien la meilleure réaction par rapport à cela, ce sera de vous réorganiser, ce sera de changer vos plans, vos méthodes, de réajuster le tir pour poursuivre vos buts. Donc, pour augmenter vos chances de réussite le 19 et autour du 19, soyez prévoyants. Si possible, ne chargez pas trop votre agenda. Si vous ne pouvez pas faire autrement, eh bien, anticipez vos prises de décision. Soyez plus précis, plus précise que d'habitude dans l'agencement de votre journée, dans vos horaires, etc. Si vos projets sont modifiés au dernier moment, gardez votre énergie pour retomber sur vos pattes. Ne la gaspillez pas en plainte, en énervement, en vocifération, ça ne sert à rien. Donc, ayez confiance en vous, soyez patient, soyez flexible, gardez votre sang-froid et respirez en profondeur. Ce sera vraiment votre attitude stoïque qui va sauver votre journée. Donc, acceptez les plans B, hein, c'est pas si mal que ça. Alors enfin, dans vos déplacements, vos voyages, eh bien, ce n'est sans doute pas le moment non plus de partir sans GPS, sans vos billets d'avion, ni sans une bonne montre qui vous permettra sans doute d'être à l'heure. Et méfiez-vous aussi si vous êtes sportif, sportive, eh bien, ce n'est pas le moment de regarder les oiseaux passer dans le ciel pendant l'activité, surtout si vous faites du jogging ou autre. Eh bien, ce n'est pas la bonne idée parce que, comme vous l'avez compris, vous devez être concentré sur ce que vous faites pour éviter les accidents. Voilà, donc vous êtes prévenu, un homme ou une femme prévenue, avertie en vos deux. Et surtout, n'oubliez pas que le Verseau, de toute façon, il vous offre de la ressource, de l'inventivité pour arranger toute situation qui déraperait. En tout cas, je vous souhaite une bonne pleine lune.